Partout en Corée du Sud, la protestation s'élève pour revendiquer l'interruption de la tentative d'autopsie du paysan Peng Nam-gi, les excuses du gouvernement et la punition du responsable. La famille du défunt et le comité de mesure, des croyants et des familles des victimes de la catastrophe du paquebot Sewol ont accordé le 26 septembre une conférence de presse pour proclamer la lutte en vue de la punition du criminel, alors que le Rassemblement des avocats pour la Société démocratique de Corée du Sud et La Voix de la Population, journal d'Internet sud-coréen, ont fait paraître respectivement un commentaire et un éditorial. La famille de Peng Nam-gi et la direction de lutte Peng Nam-gi et les parlementaires de l'opposition ont tenu le 26 septembre une conférence de presse devant le terrain funéraire à l'hôpital de l'université de Séoul, tandis que des organisations religieuses et les masses de tous les paliers sud-coréens se sont réunies le 29 septembre devant la Maison de la Culture Saison à Séoul. Par ailleurs, l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié le 29 septembre un commentaire contre la bande de Pak Kone.